En Corée, divers secteurs de l'économie nationale ont accompli les plans de la campagne des 70 jours. L'industrie légère a dépassé à 137% le plan grâce à la modernisation des processus de production. La mine de Taeryong a accompli à 103% le plan de la campagne et à 100% le plan du premier semestre, alors que des usines et entreprises de la province du Fang et du Sud ont terminé le plan de la campagne. Jusqu'à la date du 20 avril, à l'échelle nationale, plus de 1640 fabriques ont dépassé les plans de la campagne des 70 jours et quelques 560 fabriques parmi elles ont accompli les plans de l'économie nationale du premier semestre et une soixante-dizaine d'usines ont dépassé les plans annuels.